Salut, salut, bon réveil tout le monde, bienvenue sur NRJ, c'est Cédric, je pars tout roule pour vous ce matin, on écoute Matt Simons, Big Flo et Oli, le son de Que Black qui arrive aussi dans moins de 3 minutes, et puis avant de le retrouver de nouveau la nuit prochaine, de 23h à 3h, aussi Maillard de Mickaël sur NRJ, bon réveil. On va se faire les appels bienveillants maintenant avec cette grosse information qui dit qu'il fallait avoir une grosse bite pour faire plaisir à sa femme, enfin pour que les femmes préféraient, pardon, une grosse bite, et bien c'est une erreur, il semblerait que selon GQ le magazine, que les femmes auraient plus tendance à tromper si leur copain on a une grosse justement. Du coup, Tof, tu vas prévenir tes amis depuis tout à l'heure. Évidemment. Donc on y va, on continue les appels que vous envoyez, les numéros, hein, vous pouvez les envoyer sur le mail de Tof. toph@energie.com, c'est anonyme, même si vous connaissez quelqu'un qui s'énerve facilement, vous voulez pas qu'il sache que c'est vous qui avez donné le numéro, rassurez-vous, il ou elle n'en saura rien. Même si c'est votre pire ennemi, il n'y a aucun problème. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous avez un gros sexe monsieur. Quoi? Est-ce que vous avez une grosse bite monsieur? Et ta mère que je suis, excusez-moi monsieur, j'ai pas tout compris, vous essayez de me dire quoi? Je comprends rien monsieur. Non, oui, c'était pas très clair, effectivement. Ouais. Bon, on va le rappeler. Oui. On va le rappeler. Je pense que lui-même n'est pas dans un état totalement normal. La fête. Allô? Oui, je m'excuse monsieur, on a été coupé. Ouais, qu'est-ce que vous voulez? Bah je voulais savoir si vous aviez une grosse bite monsieur. Je vais venir, je vais te niquer ta mère, mon t'as le fils de pute, tu vas voir. Mais pourquoi vous voulez faire ça monsieur? Enfin ça a aucun rapport avec la question. Faut arrêter de m'appeler, faut pas appeler sur ce numéro, t'as le fils de pute. Bah d'accord monsieur, mais répondez à la question alors. Ta mère. Qu'est-ce qu'elle a ma mère monsieur? D'accord. Je comprends pas. Rappelle-moi plus, je t'ai dit. Bah oui mais. Quelqu'un d'autre, t'as le fils de pute. Je vois pas le rapport avec ma mère monsieur. D'accord. Ta mère. Oui. Rappelle plus sur ce numéro. Oui, mais c'est quoi le rapport avec ma mère, monsieur? Je ne sais pas, mais il n'a pas l'air très content. En tout cas, il a demandé que tu ne rappelles plus sur ce numéro. Bah donc, on va le rappeler. Bah évidemment. Allô? Oui, allô? Oui. Ouais. Bah je sais pas ce qui se passe, monsieur, à chaque fois on est coupé. J'ai pas le temps. Vous avez pas le temps de quoi, monsieur? J'ai pas le temps, fils de pute. Bah vous avez pas le temps, vous me dites si vous avez une grosse bite ou pas, monsieur, et après on raccroche, hein. Putain, merde, fils de pute, tu m'exposes. Mais pourquoi vous dites ça, monsieur? Parce que ça répond pas à la question, en fait. Putain, merde. Bah oui, mais ça répond pas à la question, ça, monsieur. J'ai une grosse bite. Bah voilà, monsieur, suffisait de le dire. Et bah vous ferez attention, parce que les hommes qui ont une grosse bite ont tendance à être plus trompés que ceux qui ont des petites. C'est vrai? Oui, voilà, moi je voulais juste vous prévenir. Ah, d'accord. Voilà. C'est pour ça que je baisse ta femme à fond, alors. C'est que tu dois en avoir une grosse, toi. Ah ben moi j'ai pas de femme monsieur, maman elle veut pas que je ramène des filles à la maison. Ouais. Bon, allez. Maintenant on peut se souhaiter une bonne soirée. Ah bah oui, on a pas fait de poutou là. Ah bah non, on a pas fait de poutou là. Visiblement c'était du russe apparemment c'est au premier russe. Appel. Oui, bah écoute, on va le rappeler hein. Ah bah voilà. Bon, eh bah il est plus disponible, j'ai envie de dire tant mieux dans un sens, c'est pas grave. 01 40 71 5000. Mickaël sur énergie. Mickaël. Dès 23h du lundi au vendredi. Qu'on le fasse, mais je suis sonné. Ah, complètement sonné. Elle me dit je t'aime, mais je suis sonné. Complètement sonné. Elle voudrait qu'on le fasse, mais je suis sonné. Ah, complètement sonné. Elle pense au mariage, mais je suis sonné. Elle voudrait m'emprisonner ou peut-être m'empoisonner. Ah, entouré de traîtres, on est. Faut savoir sur qui tu pointes ton pistolet. Pris dans un engrenage, tout va tout vite pour moi, oui, Angela. N'en fais pas, genre. Angela. C'est love, qu'est-ce qu'ils attendent? J'pense qu'ils veulent m'atteindre. Rampe comme un serpent, c'est sur deux sons, un peu comme Satan. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse, mais j'suis sonné. Ah, complètement sonné, elle me dit je t'aime, mais j'suis. mariage, mais je suis sonné. Mon cœur est sous-zélé, donc ma relation est sur la sellette, n'est-ce pas? Elle nous porte l'œil, pourquoi tes copines veulent s'en mêler? Je ne veux pas que tu penses tout ça sur moi. Tu m'aimes ou pas? Oui, mais parfois je doute de toi. C'est love, qu'est-ce qu'ils attendent? Je pense qu'ils veulent m'atteindre. Rampe comme un serpent, je suis sûr que c'est un peu comme Satan. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse, mais je suis sonné. Ah, complètement sonné, elle me dit je t'aime, mais je suis sonné. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse, mais je suis sonné. Pour ce mariage, mais je suis sonné. Vous êtes sur Énergie, salut tout le monde, bon réveil, j'espère que vous avez tous passé une bonne nuit. On est aujourd'hui le 13 septembre, alors sachez-le, ouais, ça peut vous servir tout à l'heure au taf si vous avez envie de faire les intéressants. Aujourd'hui c'est la journée où on est le plus productif de l'année. Voilà, je sais pas si ça vous concerne, mais en tout cas bah dites-nous hein, sur le Snap Énergie Radio, là, ça m'intéresse. En attendant c'est Matt Simons dans la playlist Énergie, Big Flo et Oli et le meilleur du Rico Show avant de le retrouver à 20h ce soir en direct sur Énergie. Tout le monde est en danger. C'est l'heure du canular, le canular du jour sur Énergie. Le Rico Show débarque. De 20h à 23h. Sur Énergie. On y va, c'est parti, on appelle à Anmas. Allô ? Allô, oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est l'officier de police judiciaire, monsieur Latour, à l'appareil. Oui, bonjour. Bon, je suis ravi de vous avoir au téléphone parce qu'il y a une petite affaire là qui vous concerne et j'aimerais qu'on puisse éclaircir tout ça, madame. Oui, il n'y a pas de problème. Bon, à votre avis, pourquoi je vous appelle déjà ? Ah bah ça, je sais pas. Bon, à votre avis, faites un petit effort, essayez de réfléchir. Non, je sais. Mes enfants ? Voilà, madame. Mes enfants ? Oui. C'est Dounia ? Exactement. Il y a quoi ? Bon, ils vendent des faux maillots de l'équipe de France, là. Faux maillots d'équipe de France ? Oui. Bon, c'est pour arrondir les fins de mois, mais vous savez, ça commence par ça et puis après, ça finit par je ne sais quoi. Mais il les a ramenés d'où ? Bah je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est pour ça que je vous appelle, madame. Et c'est quand ? C'est quand ? Bon, le problème, c'est que moi, elle m'a dit que c'était vous hein, qui rameniez les maillots. Moi ? Oui. Ah non, non. J'ai ramené les maillots de l'équipe de Maroc, quand il y avait le Maroc qui a joué ici, de l'équipe de Maroc, pas l'équipe de France. Hein. Ah ! Bon, c'est tout. C'est bien vous qui ramenez. J'en ai déjà, ils sont là, hein, deux maillots chacun pour les enfants. Un pour ma fille, un pour l'autre, un pour mon fils, tu sais, pour bon, encourager. Bon, elle avait raison, la petite, c'est bien vous qui ramenez des maillots. Oui, mais ça, l'équipe du Maroc, pas l'équipe de France déjà. Bon, vous ramenez des faux maillots, quoi qu'il arrive. Non, non, c'est pas des faux maillots, c'est des maillots. Donc, moi, elle m'a dit qu'exactement, vous veniez de Casablanca avec des faux maillots à but de les revendre sur Annemasse. Ah, jamais. Ah, moi, elle me l'a dit. Et en plus de ça, j'ai jamais ramené les maillots de foot de l'équipe de France. Bon, d'accord. Alors, vous savez ce qu'on va faire, madame ? Il y a une amende, là. Il y a une amende de 1 273 € à régler, madame. 1 273 €? Oui, il faut la régler, madame. Hein. Ah non, j'ai pas l'argent. Hein. Bon, vous savez ce qu'on va faire ? Oui. Bon, ça reste entre nous, madame, d'accord ? Il n'y a pas de problème. Je vous mets pas l'amende. Mais par contre, préparez un couscous, là, pour ce week-end. Avec plaisir, alors. Bon. C'était juste ça, ça me dérange pas. Je viens récupérer un joli couscous, samedi à 17h, d'accord ? Samedi à 17h, il n'y a pas de samedi à 17h, problème. Je passerai, vous me reconnaîtrez, j'aurai un petit polo jaune. Oui. Vous me remettez le couscous, et puis moi, dès le lundi matin, j'annule l'amende. C'est on bon est d'accord. On est d'accord. Mais c'est vraiment, si vous parlez... Qu'est-ce qu'il y a, madame ? Vous êtes plutôt tagine, c'est ça ? Non, non, c'est pas ça, je vous fais le tagine plus le couscous, ça me dérange pas. Ah, bah je prendrai les deux, d'accord. Ça me dérange pas, c'est juste pour... C'est la déclaration de votre fille qui vous inculpe. Un couscous à tagine. Oui, le couscous à tagine, ça me dérange pas, je vous ai dit. Bon. Mais même avec le dessert marocain. D'accord, je prends le dessert aussi alors. Hein. Aussi, d'accord, il n'y a pas de problème. Bon. Mais Dounia, il est avec vous là ? Ah, en fait, vous voulez que je vous dise la vérité ? Oui, oui. Bon, en fait, vous êtes en direct sur Énergie. Non, c'est pas vrai. Madame, je vous jure, vous êtes en direct dans le Rico Show sur Énergie, 20h-23h, oui, c'est une vanne. Je m'appelle Émeric Bonnery et c'est le Rico Show, c'est une vanne. Et oui. Je ne connais pas Dounia, je ne connais personne, c'est juste une blague, madame. Ah ouais. Ah, bah d'accord. Ça va ? Vous allez bien ? Oui, ça va, ouais. Maintenant, ça va.

dit. T'es comme les autres en fait. Tu m'apportes que des problèmes à l'essor de ma vie. De façon je le pensais pas quand je te disais je t'aime. On nous répète qu'avant c'était mieux. On croit en l'amour qu'une semaine sur deux. Le temps passe vite, on est des jeunes vieux. Hier un petit m'a appelé monsieur. Par la fenêtre, j'atteins un signe. Je pense à mon avenir qui doucement se dessine. En attendant je me remets ce vieux son de Biggie. Celui qui fait It was all a dream. Un seul sourire et mille pleurs. On attend la surprise comme les Kinder. Pour éviter de dire les enfants, j'ai rencontré maman sur Tinder. Des questions sans réponse se baladent dans ma tête. La main sur le cœur, des fois j'ai trop peur qu'il s'arrête. Mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Ce soir tu danses, la nuit porte conseil. Faut pas que tu penses. Ne pense plus à rien, rien, rien, rien. Vous êtes sur Énergie, salut tout le monde, j'espère que tout va bien ce matin. On est mercredi, on est le 12 septembre, on enchaîne avec la playlist Énergie plus le meilleur de Koé. Koé 17h, 20h chaque fin d'après-midi sur Énergie, après les cours, après le taf. Et là voici ce qui s'est passé hier soir sur Énergie. 17h, 20h, c'est Koé sur Énergie. Il y a quelques temps, il a téléchargé pas mal de films, mais c'est plus un fan de musique. Donc autant te dire qu'il va ripper sur YouTube, il va sur des sites polonais pour trouver des chansons. Et il en abuse et il a déjà été chopé par Adopi une fois de sûr. Je me demande s'il n'a pas eu le deuxième avertissement il y a quelques temps, mais je crois qu'il en est encore à un. Alors, normalement, c'est trois maximum. C'est sérieux. Et 4, c'est le GIGN, 5, il brûle ta maison. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, je sais, je suis au courant. Si, si, t'en veux de jouer. Le truc, c'est que c'est quelqu'un qui a quasi la cinquantaine, qui s'y connaît absolument pas en tout ce qui est high-tech, il a peur de manipuler les choses comme ça. Donc je pense que si tu l'appelles en faisant croire que t'es un gendarme ou un truc comme ça, il y a moyen de bien le faire flipper. Bon, écoute, ok, on va dire qu'il a été détecté. Ça y allez, c'est vas-y. On y va maintenant. Allez, vas-y. Allez, tu travailles chez Adopi? Oui. Tu t'appelles Bernard Torrent? Non. Il s'y connaît pas. Bernard Torrent. Bernard Torrent. Allô? Oui. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir Bernard Torrent, à l'appareil. Vous avez été détecté, monsieur, pour du téléchargement numérique illégal par les services d'Adopi. C'est-à-dire? Vous connaissez les services Adopi, monsieur? Oui, je connais, oui. Comme voilà. Oui. Alors, vous reconnaissez les faits, parce que selon la loi numéro 2009-669 du 12 juin 2009, monsieur, favorisant la protection de la création sur Internet, la loi Adopi, vous risquez 300 euros d'amende et la suppression de votre abonnement Internet, monsieur. D'accord. Vous avez déjà reçu des courriers, monsieur? J'avais déjà reçu des courriers il y a quelques années. Oui. Quand je venais d'avoir mon ordinateur, puisque j'allais sur Imul ou un nom comme ça, quoi. Oui. Vous continuez, monsieur. J'avais reçu un courrier. Comme vous avez reçu deux courriers, monsieur. Comment? Vous avez reçu il y a eu un deuxième courrier, monsieur. Il y a eu peut-être un deuxième courrier, mais après, j'ai rien dû. Oui, monsieur, deux courriers, c'est beaucoup, monsieur. On ne va pas non plus vous écrire toutes les semaines. Votre cas, vous savez, on dit que c'est un cas de multi-support, monsieur, qui comprend de l'œuvre cinématographique, des logiciels informatiques, de la musique. On passe à 4500 euros d'amende, monsieur. Une suppression définitive de tout abonnement Internet. Il y a une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 5 ans, monsieur. Ah d'accord, mais je ne savais pas tout ça. Bon, monsieur, on reprend par le début. Monsieur, vous réglez comment? Quelle somme? Jusqu'à 4500 euros, monsieur. Vous comptez régler comment? Je peux payer en plusieurs fois ou pas? Oui, c'est possible, monsieur. C'est possible de payer en plusieurs fois, bien sûr. Beaucoup de musique, monsieur. Hein. J'ai votre dossier entre les mains. Oui, c'est principalement de la musique. Oui. Vous téléchargez sur... J'ai des films, monsieur. Monsieur, j'ai des films. J'ai des films. Ah, les films, non, pas du tout. Si, monsieur, j'ai des films. Vous avez téléchargé des films. Les films, non, je n'en prends pas. Je ne télécharge pas. Monsieur, il y a eu des films, monsieur, je les ai. Vous avez téléchargé il y a plusieurs mois. Ah, j'ai pas de films de télécharger. La musique, ça, oui. La musique sur des sites, de téléchargement illégaux polonais, monsieur. Polonais, oui, sur un site polonais, oui. Là, monsieur, vous pensiez quoi? Vous pensiez que parce que vous alliez aller en Pologne, j'allais pas vous retrouver, monsieur? Alors ? Oui. Oui. Vous pensiez que parce que vous faisiez de l'évasion informatique, comme ça, j'allais pas vous retrouver ? Ah non, non, c'est pas la question, quoi, parce qu'apparemment, je dois pas être le seul. Bah, monsieur, c'est pas une question d'être le seul, monsieur. Vous savez, maintenant que vous avez les mains qui dans le pot de confiture, vous faites attraper, on fait quoi ? Je dois réparer ma faute. Que bah, normal. Voilà, déjà, donc, vous allez vous excuser. Oui, bah, je m'excuse. Voilà. Vous allez dire, je ne le ferai plus. On enregistre, monsieur, oui. Monsieur, on enregistre la conversation. Hein. C'est sous forme de preuve. Alors, je m'excuse, je ne le ferai plus. Je ne ferai plus. On refait la liaison, monsieur. Je m'excuse, je ne le ferai plus. Je ne le ferai plus. Voilà, donc, répétez après moi. Je ne téléchargerai plus de musique. Je ne téléchargerai plus de musique, sauf sur les sites illégaux. Non, je ne téléchargerai plus de musique illégale, monsieur, répétez après moi. Je ne téléchargerai plus de musique illégale. Ni de film. Ni de film. Ni de film X. Ni de film X. Promis, juré, craché. Promis, juré, craché. Craché, monsieur. Craché, oui. Non, faut pas répéter, faut le faire. Craché, monsieur. Je sens que c'est une connerie, mais je sais pas pourquoi, quoi. Monsieur, vous avez téléchargé des pornos, monsieur. Non, j'en regarde, ça m'arrive de regarder. Monsieur, bien sûr, vous en avez regardé. Denis Barre dans mon plumard, volume 2, je l'ai pas inventé, je l'ai sous les yeux. Ah non, mais j'ai pas ça. Ah, celui-là, vous l'avez pas regardé ? Vous l'avez raté, il est très bon. Je m'appelle Coé, on est sur Énergie. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. But what they don't know, no, no, is we don't care. We're going keeping on going till we can't go no more. We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. Yeah. Mickaël sur Énergie. Mickaël. Dès 23h, du lundi au vendredi. Bon, on va prendre Gilles qui est avec nous maintenant. Bonsoir Gilles. Salut. Comment ça va Gilles? Bien. Bon, eh ben, tant mieux, j'ai envie de te dire. Sois le bienvenu. Alors Gilles, qu'est-ce qui t'amène à 72 ans Gilles? 14. Ah, 14 ans. En deux là, en voilà. Une heure là, t'as ah ouais, t'as pris deux ans, dis donc. Ah bah, donc. Voilà. Non, je déconne. Bon, du coup, 74 ans. Eh ben écoute, bienvenue Gilles. Tu te rappelles tout à l'heure qui enfonçait les femmes. Quoi? Qui disait qu'ils étaient les meilleurs pour les femmes. Voilà, c'est tout. Une j'ai femme, pas compris, Gilles. Il disait qu'une femme. Qui? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Bah, les mecs que j'ai entendus tout à l'heure. Voilà. Ouais, mais où ça? À la radio? Bah oui, chez vous. Oui, bon, enfin, t'énerve pas, Gilles. Non, parce que Gilles, en fait, à la base, appelait pour dire que cette émission est absolument merdique. Ah, ouais. Bah écoute, merci, mais oui, mais t'as Gilles, raison, Gilles. Donc, j'aime pas qu'un mec dise qu'une femme, qu'elle est conne, qu'elle est bonne à baiser. Oui, voilà. Mais Ah, il parle des appels, je pense. Ça arrive, bah non, il n'a pas dit ça non plus dans les appels. Ah bah, il parle de... Tu sais qu'il y a des mecs qui sont cons, il y a des femmes qui sont connes. Oui, mais ça, il y en a plein. Hein. Gilles. Non, une femme est jamais conne. Si, à 74 ans, tu t'en es pas rendu compte. Jamais. Non, Gilles, il y a des femmes qui sont connes, il y a des grosses salopes, il y a des meufs très bien, il y a des mecs qui sont des trous du cul nés. Il y a des gros salopards. Il y a des gros salopards. Enfin, je veux dire. Des gros FDP. Mais non, mais c'est vrai, t'as des cons et des connes partout, de toutes les races, de tous les pays, il y en a plein. Je veux dire, il n'y a pas de. Et voilà, c'est comme ça. Une femme, je m'éconne. Bon, alors Gilles, d'accord. Bon, bah alors, d'accord. Voilà, c'est pas tout. Discuter pendant 107 ans. Hein. Arrête de faire ton faux gentleman à deux balles. Il y a des connes, il y a des ordures, il y a des femmes qui ont assassiné des centaines de personnes, il y a des serial killers chez les femmes. Et bien sûr. Des femmes extrêmement intelligentes, t'as des femmes pilotes, t'as des fainéantes, t'as des putes, t'as tout. Donc arrête ton cinéma, mec. T'as 74 piges. Ouais. On va... Mais non, mais je déteste les faux gentlemen comme ça en plastique. Mais si, mec, c'est ce que t'es. T'as raison. Mais j'ai toujours raison. J'ai pas le réflexe de te dire qui ont les mauvais mecs. Non, mais Gilles, on te dit pas que t'as tort dans l'absolu. C'est pas la question. On dit juste que il y a également des femmes qui sont pas bien. Voilà. D'accord. Tout simplement. Ouais, c'est ton avis, je le respecte. Hein. Après, c'est le nôtre, respecte-le aussi. Et puis voilà, on a le droit d'avoir chacun notre... Une femme doit être choyée. Oui, mais dans l'absolu, c'est vrai. Et en même temps, tu sais, il y a plein de femmes qui vont dire « Mais attends, on n'a pas besoin d'être choyée, en fait. On n'est pas des débiles, on peut se gérer nous-mêmes. » Ah bah ça, je te confirme. Voilà. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est... Bah oui, regarde, Amina est une meuf et pourtant elle va te dire aussi qu'elle a pas besoin d'être choyée. Bah non, je ne suis pas un chaton en détresse, hein, tout va bien. Mais je vois ça, mais c'est une chatte. Les femmes le respectent. Voilà, oui, mais oui, mais dans l'absolu, on respecte tout le monde, c'est le principe de base, mais ça n'arrive malheureusement pas très souvent. Mais ton message est passé, Gilles. Encore un truc à ajouter? Sinon, qu'on n'est pas bon? C'est bon. Bon, et bah écoute, tu rappelles quand tu veux, Gilles. Gentil au téléphone. Voilà, et bah écoute, bah, je te la repasse. Il m'a insulté tout à l'heure, il m'a dit qu'à défaut d'être belle ou intelligente, je pourrais au moins être aimable. C'est pas aimable. Et bah tu vas me dire que je suis super gentil, j'ai fait ça. Oui, tu es gentil, mais pas aimable. Bon, ça, c'est bon. Parce que t'es très belle en plus. Et bah écoute, je te la repasse de merci, suite, Gilles. Gentil. Salut à toi. Il se passe un truc là, tu vas pouvoir négocier un date. Passe une bonne nuit, Gilles.

c'est Cédric sur Énergie. Bon réveil tout le monde. J'espère que ça va là, les matinaux. On va écouter Clean Bandit avec Demi Lovato, Eddy de Préto aussi. Alors lui, ça me fait plaisir, il était hier à la radio. Il a fait son instant live avec WF sur Énergie. Il y a la vidéo sur Énergie.fr et puis sur les réseaux. Eddy de Préto dans la playlist Énergie. Et avant de le retrouver à 20h ce soir en direct, c'est le meilleur du Rico Show sur Énergie. Arrêtez tout. Écoutez. Tout le monde est en danger. C'est le canuit. Le canular de la nuit sur Énergie. Les amis, on n'a pas de nouvelles de Marie-Paul. Oh non. J'ai enquêté. A priori, Marie-Paul, eh bien, c'est que c'est pas Claude Alexo. Ah. Elle connaît la supercherie. Eh c'est oui. Comme ça, nous qui l'appelions comme ça tous les soirs. J'adore. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, les amis. Bah, ça arrive. C'est comme ça, on s'est fait griller. Demain, je vous prépare un nouveau Claude Alexo. Il sera de retour. On va piéger quelqu'un, je me ferai passer pour un voyant, c'est promis. Et ah, contentieux okay. Avec Claude Alexo, c'est quoi? Alors, c'est Claude Alexo, il a appelé parce qu'on usurpe son identité, il est pas content. Mais Claude non, Alexis. Sauf qu'on a le droit à la parodie en France. Bah ouais, oui. C'est quand Louis fait Nikos, machin, donc moi, c'est une vanne. Bien sûr. Calme-toi, frérot, c'est une vanne. Frérot, calme-toi. Donc, on fera ça demain, ah ouais. Je ah vous oui. promets, à la même heure. Soyez là, et là, on va se faire le à votre avis. D'accord? J'appelle dans l'un, les amis. C'est parti. Je vais appeler Annie. D'accord. Ouais. Je l'appelle. Je dis que je suis la police. En plus, il est tard. On va oh la pressionner. Là là. À votre avis, pourquoi je vous appelle, madame? Si elle me sort, peu importe le dos, je la coince. D'accord. Allez. Ce sera la journée. À votre avis. Génial. C'est parti. On appelle. A priori, elle répond parce que Eve a fait le taf. Elle a dit, je suis la secrétaire de Monsieur Latour. C'est la police. Il veut vous parler. On y va. Allô. Monsieur Latour, bonjour, comment allez-vous madame? Oui, bonjour. Je vous appelle, c'est la police, officier de police judiciaire. Je vous appelle parce qu'on a eu un petit avenant là vous concernant. Hein, une petite histoire, est-ce que vous avez une idée? Non. À votre avis madame? Un excès de vitesse. Exactement madame, on y est. Où à votre avis? Un d'amour. Exactement. Vous êtes allé franchement trop vite madame là. Combien? Ah bah madame, j'ai 133. Ah bah non. Ah bah si. C'est quel véhicule? Le véhicule. Je l'ai pas le véhicule, hein. Ça c'est directement à Rennes au niveau de l'amendement. On m'a chargé de vous appeler parce qu'on va vous retirer le permis madame. Mais n'importe quoi. Ah non mais là c'est retrait de permis direct madame. Non moi je veux une preuve. Mais madame, la preuve. Madame, la preuve, vous allez vous la recevoir. Vous avez 12 jours pour porter réclamation mais il faut nous rendre votre permis de conduire s'il vous plaît madame. C'est pas possible. Ah si. Mais vous savez combien de temps? Je ne sais pas, bon, c'est une suspension de 6 mois minimum. Ça, c'est une blague? Non, non, madame. Non, mais j'ai pas roulé aussi vite, je pense pas. Hein. Bah écoutez, vous verrez, madame, en tout cas, moi, je peux vous le dire. Bon, voilà, en tout cas, votre permis vous est retiré, madame. Voilà, je suis désolé, hein. Bon. Non, mais j'ai pas roulé à ça. Je vous dis à bientôt, madame. Bah. Vous recevrez votre courrier demain, d'accord? N'importe quoi. Bon. Je vous cache pas, j'ai mon beau-frère qui travaille au niveau des. Au niveau des amendes, là, vous savez, du côté d'Arène, on a tout qui est centralisé. Bon, je peux éventuellement faire sauter la contravention. Ce qu'on peut faire, est-ce que vous avez 200 euros sur vous? Non, pas spécialement. Vous me rappelez deux secondes et je vais appliquer. Ouais. Vous essayez de récupérer 200 euros, je vais envoyer l'agent de police hein, chez vous. Vous lui remettrez dans une enveloppe comme si de rien n'était. Et puis moi, je dirai à mon beau-frère qu'on n'en parle plus, quoi. D'accord? Bon, d'accord, verra. Comme ça vous gardez votre permis de conduire, on n'en parle plus, d'accord? Oui, ben on verra. D'accord, madame. Bon, je vous rappelle? Oui, vaut mieux pour le moment. Non, bon, vous savez quoi? Laissez tomber, madame. Hein. On va rester comme ça. Hein. Vous allez voir le procureur, d'accord? Oui, ben je vais voir. Non, non, je vous sens pas du tout prête à marcher dans ce que je vous ai dit. C'est oui. Maintenant. Si, mais ah non, je vous sens pas du tout prête à marcher dans ma combine, madame. Il faut que je voie quelque chose avant. Ben d'accord, madame, écoutez, oubliez ce qu'on a dit, vous présenterez devant le procureur dans 15 jours. Ben, non. Ah oui, mais madame, vous êtes pas prête, je vous propose, c'est de l'or ce que je vous propose. Un permis de conduire qui va vous être supprimé dans 6 mois, je vous envoie un recommandé. Je vous dis que j'ai mon beau-frère qui peut vous filer un coup de main, mais c'est maintenant ou c'est jamais? Sinon, c'est oui, terminé. Ben, c'est maintenant. Bon, c'est maintenant, très bien. Il passera ce soir, d'accord? À quelle heure? Ouais, il passera sous les coups de 22h. D'accord, madame? Oui. Bon, vous faites la pointe, vous préparez la petite monnaie? Oui. Bon. Madame? Oui. Je vais vous dire un truc. Vous n'avez pas perdu votre permis de conduire. Et en plus,

vous êtes sur Énergie, c'est Cédric, salut tout le monde. Avant 5h du mat, on écoute Juice WRLD dans la playlist Énergie, 3 cafés gourmands juste derrière. Et puis le meilleur de Koé sur Énergie, c'est à 17h toutes les après-midi en direct. Koé qui reçoit Kenji dans l'émission tout à l'heure. Voici en attendant ce qui s'est passé hier soir. 17h-20h, c'est Koé sur Énergie. Bon, par contre, il va falloir qu'on fasse ensemble aussi une adaptation. D'accord. Parce que là, t'as pris les joueurs de l'équipe de France de cette année. Ouais. Il faut aussi rendre hommage à des joueurs de l'équipe de France des autres années. Ah oui. D'accord. C'est important. Alors écoute-moi bien. Ouais. L'exercice que nous allons faire là est un exercice pas facile. Petit défi. Ouais. En même temps, c'est ta chanson. Ouais. Le principe, je vais te montrer des pancartes avec des joueurs. Ouais. Le but du jeu est évidemment d'enlever les joueurs de la chanson et de mettre ceux que je te montre. Ok. Tu vois, par exemple, à la place de Oumtiti, je te montre le premier. Michel Platini. Voilà. Donc, on va se faire la répète entre nous, d'accord? Tu as la musique, elle est où la musique? Elle est calée? C'est là-bas? Attends, on va se la répéter entre nous, parce que ça part dès le début. Hein. Ouais. Et après, je te montre les panneaux les uns après les autres. D'accord. Et une fois qu'on est parti, on est parti. Ok. Et là, ce sera la répète. Petite pause, petite boisson, on sort de la pub. Et toutes les filles qui sont habillées en... Si, vous chantez, vous dansez. Tout. Ah oui. T'as vu qu'elles ont fait un effort? Elles sont venues en... Franchement, c'est cool, vous êtes belles en plus, les filles. Vous n'avez pas les compliments, les filles. C'est vrai que vous l'avez fait un peu bourge, les filles. Elles sont jolies, les filles. Ouais, on sait, merci. On savait, ils nous l'ont déjà dit avant. Ouais. Attention, t'es prêt? Non, c'est toi? Qui, c'est toi là-bas? On va là-bas. Alors. Prêt? Ok, on va le faire ensemble. Surtout toi. Allez. Casse la démarche comme Michel Platini. Casse la démarche comme Dominique Rocheteau. Et casse la démarche comme Marcel Desailly. Et casse la démarche comme Thierry Henry. Et s'il y a drap, on peut toujours appeler David Trezeguet. Et s'il y a drap, on peut toujours appeler Eric Antona. Ramener la coupe à la maison. Oui, ça c'est la pote. Allez, le bleu, allez. 20 ans après, c'est le moment. C'est pour après. Allez, le bleu, allez. Ramener la coupe à la maison. Allez, le bleu. Chauffe la voix en même temps. 20 ans après, on est champion. Attention. Deuxième couplet. Qui contrôle le terrain? Jean-Pierre Papin. Ouais. Avec lui, on est serein. Lisa Razou. Qui contrôle le terrain? Hey, Sylvain Wiltord, qui contrôle le terrain. Franck Ribéry. Passement de jambes, crochet à gauche, à droite. Zinedine Zidane. Accélération, virgule, petit pont. Frappe, Youri Djorkaeff. Je sais plus si je suis gaucher ou droitier. Je tirais des deux pieds, Karim Benzema. Je sais plus si je suis gaucher ou droitier. Je tirais des deux pieds, Sébastien Coé. C'est Koé sur Énergie. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you. And I cannot change you, so I must replace you. Easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you. And I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. You left me falling and landing inside my grave. I know that you want me dead. I take prescriptions to make me feel a-okay. I know it's all in my head. I have these lucid dreams where I can't move a thing. Thinking of you. I'll do it over again. I didn't want it.

you 6:45. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. For every other girl you meet, it's too gazy. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Come and rev it up like a Harley, Harley. Why is the best crew always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. Cause girls like you, guys like me, so now when I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you, girls like you, me, do what I want when I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. Et vous êtes sur Énergie, c'est Cédric, bon réveil tout le monde. Ça va ? L'horoscope. On démarre avec les béliers, suivez bien vos objectifs aujourd'hui. Quant aux taureaux, ne comptez pas sur vos positions. Les gémeaux, en cas d'ultimatum, ne cédez pas. Les cancers aujourd'hui, ne forcez pas le rythme. Les lions, vous profitez d'un courant positif. Quant aux vierges, restez aussi concentrés que possible. Les balances, vous avancez avec souplesse, tant mieux. Les scorpions, gardent vos finances. Les sagittaires, ne vous emballez pas. Et les capricornes, votre force réside dans votre côté stratège. Les verseaux, vous êtes à la fois léger et efficace. Et les poissons, pleine lune, difficile en vue. On se réveille avec Jane, Martin Garrix et l'artiste. Et puis le meilleur de menu dans 6-9 sur Énergie. Tous les matins, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Voici l'homme qui donne des réponses aux questions que personne ne se pose, c'est les infos de Glandon. Et on commence par une info radin malin. Pour améliorer le goût d'un mauvais vin, il suffit de le passer au mixeur. Ah bon? Wow. C'est chelou quand t'es avec une amoureuse quand même de dire attends ma biche, je vais aller mixer le vin. Ah, oui. Non, ce qui est chelou, c'est de l'appeler ma biche. Ça se voit vraiment qu'Isabelle n'a pas eu le premier rendez-vous depuis très très très très longtemps. Manu dans le 6-9. Manu, on est 6h, 9h30 sur Énergie. GG. Ouais. On a terminé les essais sur l'Apollo? Presque, il en reste plus qu'un. Ok, c'est quoi? Bah faut lâcher les 500 supporters. Ah, d'accord. Nouvelle Polo, à l'épreuve des supporters des champions du monde. En septembre, pour l'achat d'une nouvelle Polo, profitez d'une reprise plus jusqu'à 3 500 € sur votre ancien véhicule. Sous condition de bénéficier de la prime à la conversion, 2 000 €. Conditions sur servicepublic.fr et volkswagen.fr. Portes ouvertes les 15 et 16 septembre. Bon, c'est bon, on peut lâcher les lions maintenant. Énergie, it's music only, avec Kev Adams en tournée. Excuse-moi, mais monsieur Grosvoix, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Je fais quoi? Bah, pourquoi à chaque fois tu dis it's music only en anglais? Alors qu'en vrai, Énergie, c'est une radio française. Bah, oui, alors. Bah, essaye en français, je suis sûr, ça va être beaucoup mieux. Tu vois, ça va avoir plus de tronche, quoi, plus de gueule. Bon, ok, que des super chansons sur Énergie, avec Kev Adams en tournée. Ok, non, tu sais quoi, fais-le en anglais. C'était bien en anglais. Vraiment, super. Allez, bisous, Grosvoix. Bisous. Des monuments français à sauver, des millions de à gagner. Ce vendredi, Super Loto Mission Patrimoine avec jackpot exceptionnel de 13 millions d'euros à partager au rang 1 voire règlement. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Énergie, it's music only avec Shawn Mendes en concert. Hey, this is Shawn Mendes and you're listening to Energy. Retrouvez le phénomène Shawn Mendes pour un concert événement le 19 mars à l'Accor Hotel Arena à Paris. Infos et réservations, énergie.fr et point de vente habituel. Shawn Mendes, en concert, un événement énergie. Pour se détendre, bien sûr, il y a... Mais il y a surtout mon nouveau Dacia Duster. Avec sa carte main libre, je m'approche et il s'ouvre tout seul. Et pour les révisions, c'est très zen, j'ai 5 ans d'entretien offert. Détendez-vous et pensez juste au nouveau Dacia Duster à seulement 5 € par jour. Pendant les jours plus simples, du 13 au 17 septembre, nouveau Dacia Duster est à partir de 5 € par jour, soit 150 € par mois, avec 5 ans d'entretien offert. LLD 61 mois, 60 000 km, réservé aux particuliers pour toute Dacia neuve du 1er au 30 septembre, si accordiaque, voir Dacia.fr. Suéltate el pelo y salta de...

but I can only see your ghost. I just live a fast life, forget about the past. I numb out to escape my fears. Friendships only pass by, show up on like strobe lights. With you I feel something real. And I walk a million miles just to see. Playlist Énergie. C'est un hit. C'est un hit. Énergie hit music only. Énergie, bonjour tout le monde, bon réveil. On écoute Five Songs of Summer là, pour la suite dans la playlist Énergie. Il y aura aussi Calvin Harris et Sam Smith. Météo dans moins de 10 minutes. Et avant de le retrouver en direct dès 6h, c'est le meilleur de Manu dans 6-9 sur Énergie. Manu dans 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Nous allons faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Ah oui. Nous allons tenter d'améliorer la vie de couple. Ah. Il y a des choses dans la vie de couple qu'on dit, d'autres qu'on dit pas. Mais parfois, on dit des choses et on dit merde, j'aurais pas dû le dire. C'est vrai, Manu. 0870 42 48, vous pouvez nous appeler. Je propose qu'on fasse tous des propositions et on se demande sincèrement si on le dit ou on le dit pas en couple. Okay. Ah, okay. C'est bien, on a un bon panel dans l'équipe. Ouais. Isabelle est en couple depuis maintenant 60 ans. Nico depuis 10 ans. Paulette, Glandu et moi, on est fraîchement open. Hein. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit pas en couple ? Nico. Si ta copine a un peu de duvet au niveau de la moustache, tu dis ou tu dis pas ? Ça dépend si elle pond des œufs. Non. Et alors, moi je braque tout c'est le temps chaud, sur le duvet de la moustache, c'est quoi? Mais je braque tout de suite. Ah ouais? Ouais, et je suis obligé de le dire. Mais alors dites-le à une copine de votre meuf. Mais non. Et qui lui dira. Non, mais c'est trop blessant si c'est vous directement. On se dit, vous l'avez vu. Ouais, ou alors tu te crées une fausse adresse mail et t'envoies un mail subliminal. T'envoies un mail anonyme. Signez une personne, enlève ce putain de duvet, signez une personne qui vous veut du bien. On a Anissa avec nous au téléphone. Bonjour Anissa. Bonjour Manu. On le dit ou on le dit pas en couple, on t'écoute. Quand un câlin est bof, tu dis ou tu dis pas? Oh. C'est délicat ça. Ah ouais, non. C'est non. Vachement dur. Isabelle. Mais ça dépend. Toi qui as connu beaucoup de câlins bof. Ouais, non, je rappelle que j'ai eu qu'un homme dans ma vie. Mais je sais pas, le câlin bof, si c'est tous les jours ou si c'est une fois comme ça. C'est ça aussi. Non, de temps en temps, quand y a, si ça arrive, c'est la fatigue, une panne. Déjà, si t'arrives à faire un câlin tous les jours, bof ou pas, c'est un câlin cool quand même. C'est pas. C'est tous les jours, mais c'est super bof. Ouais, mais t'as de la chance, c'est tous les jours. Bon, d'accord. Moi, je trouve ça bien de le dire pour que derrière, il y a un effort qui soit fait. Et puis, mais tu peux aussi avoir un câlin bof pour toi, mais qui soit bien pour l'autre. Et tu dis, voilà, moi, je préfère ça. Exactement, faut se connaître. Exactement, on discute et puis on invite des gens, peut-être que pour juger. Comme dans The Voice, on se retourne. Merci de nous avoir appelé, Anissa. On dit ou on dit pas en couple, Paulette? Si tu trouves que son meilleur pote ou sa meilleure pote est un peu naze, tu l'aimes pas, quoi. Ah, tu dis pas? Ah, non, ah ouais, pas. Mais non, parce que tu sais quoi, moi, si par exemple on me dit ton meilleur ami, je l'aime pas, ça va vraiment changer quelque chose parce que c'est mon meilleur ami, je l'ai choisi. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas me dire ça en fait. Et puis il va pas changer de meilleur ami pour toi, de toute façon il va rester le meilleur ami, donc ça sert à rien de dire. Ouais. Et c'est compliqué parce que du coup ça met tout le monde en porte-à-faux. T'as envie de dire à ton. Tu peux pas dire à ton meilleur ami, oh, ça fout le bordel. Mais si tu le dis pas et qu'il vient dîner, je sais pas, une fois par semaine et qu'il est chiant, comment tu fais? Mais tu prends sur toi. Ah ouais? Ta mère elle est bien chiante et pourtant il dit rien. Non, ma mère elle est pas chiante d'abord. Je rigole. Sofiane, bonjour. Salut Manu. Bienvenue sur Énergie. Tu le dis ou tu le dis pas en couple? On t'écoute. Quand t'as pas envie que ta belle-mère vienne manger chez toi. Ah bah justement, on est en plein dedans. Alors honnêtement, je vais te dire, pour moi c'est tu le dis. Ouais. Non mais alors moi ça m'est arrivé. Franchement la mère de mon ex-femme, donc du coup, est vraiment hyper cool. Ouais. Mais il y a des fois t'as envie d'être peinard chez toi. Bah oui. Donc tu le dis. Ah les parents tu touches pas, c'est la famille. Ah, c'est pas possible. Tu peux pas. Mais tu peux aimer quelqu'un, apprécier quelqu'un, mais pas avoir envie qu'elle soit là pendant un week-end. Ah mais moi je suis avec toi. Mon père il peut pas venir quand il veut, c'est mort. Ah c'est sûr. Eh ben c'est mort. Hein. franchement Paulette, ça me fait de la peur. Moi c'est un peu plus rusé, c'est que j'attends que ma femme le dise, que ça l'emmerde un peu, que sa mère vienne, et après je dis ah ouais ça je suis d'accord avec toi. Pour moi tu le dis mais t'attends qu'elle le dise avant. Après faut pas ressortir tout d'un coup. Ah ouais t'as raison. Franchement ça fait 10 ans qu'elle nous pète les couilles. Bah non chérie. Bah non. Merci de nous avoir appelé Sofiane, belle journée à toi. Merci à vous. On le refera, j'aime beaucoup. Ouais. Tu le dis ou tu le dis pas en couple. Ouais. Tout à l'heure, 6h, 9h30, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Remember the words you told me, love me till the day I die. Surrender my everything cause you made me believe you're mine. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. Takes one to know one, yeah, you beat me at my own damn game. You pushing, I'm pulling away from you. I giving you take, giving you take. Thank you.

promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. Vous êtes sur Énergie. Bon réveil tout le monde, on est jeudi aujourd'hui. Énergie, météo. Et ce sera pluvieux de la Bretagne à l'Alsace ce matin, du soleil partout ailleurs, température 13 à 21 degrés. Cet après-midi du gris au nord-ouest, c'est pluvieux au nord-est et au sud du soleil. Ok, vous avez suivi, c'est bon. Les températures, 17 à Caen et Brest, 20 au Havre, Lille et Paris, 24 à Strasbourg, Nancy, Dijon, Bourges et Rennes, 28 à Bordeaux, Nice et Marseille, 31 à Montpellier et Bastia. Un bon réveil avec nous sur Énergie, le retour en direct de Manu dans 6-9 sur Énergie, c'est comme d'hab juste avant 6 heures. Et la playlist Énergie avec Drake pour vous maintenant sur Énergie. Bon réveil. Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. KB, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. But the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices. They running out of options. Cause I've been going off, and they don't know when it's stopping. And we get top, and I see that you've been learning. And when I take you shopping, you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you would've won from the jump, that confirmed it. Trap money, Benny. I buy you champagne, but you love some Henny. From the block like you Jenny. I know you special, girl, cause I know too many. Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. Down for you always, JT. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. Two bad bitches and we kissing in a way. Kissing, kissing in a way. Kissing, kissing in a way. I need that black card in the code to the safe. Code to the safe, code, code to the safe, safe. I show them how to network. Put that Netflix and chill. What's your network? Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. And I'm down for you always. And I'm down for you, down for you, down for you always. I got a new boy, and that nigga Trey. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. KB, do you love me? Are you riding? Vous êtes sur Énergie, c'est cool d'attaquer la journée avec nous là. Jusqu'à 9h30, vous allez retrouver en direct Manu dans le 6-9 sur Énergie, oui, avec toute l'équipe au complet. 0870 42 48 pour l'appeler, comme d'hab, en direct. Et d'ici là, c'est Lord Luxury et le meilleur de l'émission. Voici ce qui s'est passé hier matin sur Énergie. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Nicole Web m'a dit de trembler. Oui. Il y a 3 minutes, tu m'as dit Manu, tremble, ça va balancer sur toi. Ouais, mais patience. Attends. Il est trop content. Nico du Web lit tous les messages que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux. Il écoute aussi les messages vocaux que vous nous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. Ouais. C'est le moment de les partager avec tout le monde. On a parlé dans l'émission de nos petites bizarreries. Toi, Manu, par exemple, tu prends jamais le premier article au supermarché. Jamais. Ni le deuxième. Non, toujours le troisième. Voilà. Voilà. Non, mais au supermarché, dans n'importe quel rayon, je ne prends pas le premier parce que je me dis que les gens l'ont touché. Ouais. Je prends pas le deuxième parce que je me dis que c'est ce à quoi ils s'attendent. Ils, les extraterrestres. Okay. Mais oui, évidemment. Et donc, je prends le troisième. Ouais. Bon, t'es pas le seul à être bizarre, Manu. Sur Facebook, il y a Arthur qui dit « Je regarde les séries en commençant toujours par le dernier épisode ». Oh là là, c'est chelou. C'est chelou, surtout que tu comprends rien à rien. Tu sais qui est qui. C'est bizarre. Faut vraiment pas aimer le suspense, quoi. Tu vois là. Ouais. Ah oui. Au moins, tu peux pas le faire spoiler, quoi, sur la série, quoi. Non. Non, enfin, t'as niqué la fin, quoi. Ouais. Je t'auto-spoil, quoi. C'est moyen. Il y a Isabelle aussi qui nous dit, je prends tout le temps ma douche dans le noir, ça me relaxe. Ah. Ok, faut pas que la douche fasse 3 mètres de long, sinon on s'entend. Aïe, oui, ah, ou, ah, ah. Une autre petite bizarrerie, il y a Zach sur Facebook qui nous dit: je dois marcher quand je suis au téléphone. Si je reste sur place, j'arrive pas à trouver mes mots. Oh non. Ouais. Mais cela dit, c'est marrant ça, parce que si tu réfléchis bien, quand tu téléphones, tu marches souvent. Ouais, mais... Non mais ici, tu regardes même à énergie le nombre de gens qui sont au portable et qui marchent, qui s'arrêtent pas dans un coin. T'imagines le relou dans le bus quoi, qui téléphone. Les allers-retours dans le bus, pardon. Ah oui, c'est... pardon, excusez-moi, pardon. Oui, je t'entends, Louis, je t'entends. Et en petite bizarrerie, il y a Elodie qui fait un truc très drôle. Elle dit: même si ça sert à rien, je rentre toujours mon ventre quand je me pèse. C'est comme quand tu sors de la douche, tu te sèches les cheveux parce que l'eau ça pèse. Bien sûr. Manu, c'est maintenant. C'est maintenant. Ah. Tremble. Tu vas devoir passer aux aveux. C'est qu'un très bon ami à toi qui s'appelle peut-être Nagui, qui a balancé une info sur toi. Salut Manu. Dis-moi, je viens de voir une vidéo sur le net où Nagui balance dans une émission que quand tu invites une fille au cinéma, tu lui dis: on se retrouve dans la salle. C'est vrai? Si c'est vrai, t'es balèze. Allez, bisous. Non mais il faut expliquer pourquoi. Le truc c'était, on a vu une discussion, j'ai fait de la radio avec Nagui, et à un moment on parlait des premiers rendez-vous, je sais plus trop de quoi, et j'avais dit: mais il y a une astuce pour pas payer quand tu l'invites au cinéma, c'est que tu lui dis: on se retrouve à l'intérieur. Du coup, bah, elle doit payer sa place. Mais attention, c'est une astuce que j'ai donnée, mais j'ai jamais dit que je l'avais utilisée. Ah ouais, tu nous rassures. Voilà. Et tu l'as utilisée? J'ai jamais dit que j'avais utilisé. Ok. On aille vite, il y a d'autres messages. Bon, message personnel à Nagui, je me vengerai. Bon, on a maintenant le cadeau qu'il ne faut pas faire à une femme, sauf si vous voulez divorcer. Salut Manu, salut les Ouin-Ouin. Au sujet des noces de mariage, moi, ma femme, pour les noces de bois, je lui avais offert un morceau de bois avec écrit dessus noces de bois et la date. Elle n'a pas du tout apprécié et elle a jeté. Alors les noces de bois, c'est combien de temps? Aucune idée. Ça doit être 6 mois quoi. C'est bizarre. Ouais. Ah oui, parce que normalement, noces d'argent, on offre un truc en argent, etc. Ouais. Et noces de bois, donc il a offert un bout de bois avec marqué la date. Ah, il faut pas, oh là faut là, pas c'est triste. Pas c'est étonnant qu'elle ait pas apprécié. Quoi. Ouais, c'est bizarre. Le truc, après, si t'es marié avec un chien, c'est génial. Ça lui éclate. Tu le lances, il va le chercher, c'est cool. Mais là, a priori, c'est pas le cas. Dès 6h, c'est Manu dans le 6-9 qui vous réveille sur Énergie. 2 AM love, gotta keep it down. Don't wait around for a signal now. Give me some verb, I ain't talking now. You wanna ride in the six, you wanna dine in the six. But when I lean for the kiss, you said I'll probably send you some pics. And I'm like, hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Body of mine, losing all my innocence, yeah. Body of mine, finding all my innocence, yeah. Body of mine, losing all my innocence. My bad, never got the memo that you never have fun while you're in the limo. Yeah, you wanna ride in the six, you wanna dine in the six. But when I lean for the kiss, you said I'll probably send you some pics. And I'm like, hell no, been waiting too long. Sur Énergie, 5h55, nous sommes jeudi, c'est le 13 septembre. Oui, vous l'avez entendu. Nous sommes, vous l'avez bien entendu. Jeudi 13, mais en fait, c'est rien, le jeudi 13. Ah, un jour près, quoi. Un jour près, on aurait pu faire une émission incroyable. Spécial paranormal, spécial trucs qui nous font peur, spécial superstition, comme toutes les émissions de radio nous font depuis 1000 ans. C'est con, on est que jeudi 13. On démarre l'émission dans 5 minutes, c'est Manu dans le 6-9, soyez les bienvenus parmi nous. Avant ça, comme chaque jour, c'est le club du 5-5-5. Oui. Un titre qui va, alors vraiment pour aujourd'hui, qui va nous lancer la journée. Ah, ok. Ouais. Ok, on est quoi tous? On est quoi? On est sympa, ouais, mais entre nous, on est des potos. On est joyeux. Alors des potos, oui, donc des amis. Glandu, il a dit bon, ouais. des amis. Comment on dit amis en anglais? Friends. C'est quoi? Une série. Et qu'est-ce qui est le plus connu dans la série Friends? Le générique. Ah ouais. Et ben on va s'écouter. Ouais, tout ça pour ça. J'avais envie. Ça va nous lancer la journée. Bon réveil sur Énergie. Chanter. Bienvenue sur Énergie, nous sommes de retour pour démarrer cette journée avec vous. C'est Manu dans le 6-9, on va s'écouter Shawn Mendes. Oui, oui, oui. Ah oui. Bon, on va pas en faire des tonnes non plus. Oui, mais, voilà, on va l'écouter. Ça arrive dans deux minutes, juste après les concours du jour, qui arrivent à 6h10, comme chaque matin. Des gens improbables qui font des choses improbables. Je vais vous raconter leurs histoires. On démarre avec les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher.